Bonsoir, bonsoir, Jean-François Lusignan au micro. Bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 8 mars. Et on va être ensemble pour la prochaine heure pour une heure de rock indépendant. Pour vous donner un petit aperçu, vous allez entendre de la musique en provenance des groupes comme Girl Names, Palma Violette qui viennent de faire paraître du nouveau matériel, en fait leur premier album, mais aussi également du US Maple, Frank et le Cosmos, aussi Shanghai, Piano Chat et plein d'autres choses. On va commencer avec l'album Wake Up Is Hard, le deuxième album en carrière du groupe Giant Drag qui est sorti mardi dernier. Un groupe fondé par Annie Hardy et Mika Calabrese. Et en lisant un peu sur ce groupe-là, on apprend que le chemin vers le deuxième album, qui aura pris vraiment, finalement 8 ans pour se matérialiser, n'aura pas été facile. Ça aurait été marqué par des problèmes, entre autres, de drogue pour les deux membres fondateurs, par le départ de M. Calabrese, qui est batteur dans le groupe. Là. Départ, retour, ensuite il est congédié par Mme Hardy. Aussi des problèmes de santé pour Annie Hardy et aussi, en fait, qu'est-ce que d'autre? Ah oui, il y a aussi l'étiquette Interscope qui les avait un peu largués en cours de chemin. Donc, il a fallu monter, faire un montage financier pour finalement produire après huit ans après le premier album, ce deuxième album, Wake Up Is Hard, et qui est un peu moins rock que le premier album. Vous allez vous en rendre compte en l'écoutant. Enfin, on va entendre un premier extrait qui est en fait la chanson qui ouvre l'album, chanson qui s'appelle 90210, peut-être en référence même à l'émission, la célèbre émission sur les jeunes de la Californie. Alors, on écoute ça tout de suite sur les ondes de CISM, Giant Drag 90210. Now. Lando Park alias Gremlin avec la chanson Night Racer. Une chanson qui vient tout juste de lancer pour nous faire patienter en attendant la sortie d'un, je crois, un EP au tournant de l'été prochain. Ça sera apparaître sur Car Park Records. Et juste avant Gremlin, qui s'écrit avec sans les voyelles, c'est comme vraiment la tendance ces temps-ci. Donc avant Gremlin, c'était Just Handshakes que vous avez entendu, une formation de Leeds en Angleterre. Et eux aussi, ils ont sorti seulement un extrait récemment sur leur Bandcamp via le label bleedinggoldrecords.bandcamp.com. C'est là que vous allez retrouver cette chanson-là. On poursuit maintenant avec des gens de Belfast. Ils s'appellent, pas Belfast, Belfast en Irlande. Ils s'appellent Girl Names et ils seront au South by Southwest, le festival à Austin au Texas, dans quelques jours. Et on a un animateur de CSM qui sera présent sur place. Il s'appelle Fabien Guyot, il est animateur le dimanche du char de marche. Il est actuellement en direction du South by Southwest, donc de Austin. Et si tout va bien, il devrait être en mesure de venir nous parler de son expérience dans deux semaines à l'émission. Donc, on va lui laisser le temps de revenir également en voiture. C'est quand même une bonne route pour se rendre à Austin. Donc, c'est à suivre pour son compte-rendu dans deux semaines. Alors, on écoute tout de suite The Olympia de Girl Names à l'émission Le Terminus. We'll be right back. C'était Palma Violette avec Best Friends, ou plutôt Best of Friends, qui est sur leur tout premier album qui vient de sortir, sorti en fait le 25 février, qui s'appelle 180. Il s'est vraiment écrit beaucoup de belles choses à propos de ce groupe-là, Palma Violette, surtout en fait en Angleterre, d'où ils sont originaires. Ils ont été comparés entre autres à des groupes comme, comme The Libertines. Et ben, je vous invite à écouter l'album complet parce que ça ressemble pas mal à ce que vous avez entendu, la chanson Best of Friends. Et juste avant, vous avez aussi entendu une gang de Philadelphie. C'était The Stammer avec la chanson Same Lines. De toute façon, si vous voulez retrouver la liste des chansons qui tournent pendant l'émission, ce sera disponible dans quelques minutes après la fin sur le CISM893.ca. Vous allez également pouvoir la réécouter au complet, cette émission-là de ce soir. On va continuer maintenant en français avec la formation Crab qui ont sorti au mois de janvier un deuxième album qui s'appelle Mort de fraîche date. On écoute la chanson « Nouveau document » à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. We'll be right back. Le semi-classique de la semaine, US Maple avec Go to Bruce's. Une chanson qui se retrouve sur Talker, leur album qui est sorti en 1999. Et si on suit un peu l'histoire du groupe, en fait, leur dernier album remonte à 2003. Et à l'époque, ça marquait l'arrivée d'un nouveau batteur et l'arrivée aussi d'un son, avec des chansons construites d'une façon un peu plus conventionnelle. Donc un peu moins comme ce que vous venez d'entendre, un peu plus pop peut-être, même plus accessible en fait. Et depuis cet album de 2003, pas de nouvelles du côté de US Maple. Donc si vous en avez, écrivez-moi. J'ai trouvé les coordonnées sur le site de la station. Donc avant US Maple, c'était précédé des Torontois Das Rad et leur chanson Silver Latrine. Et ça se retrouve sur un EP qui viennent tout juste de faire paraître. Et Silver, en fait, Das Rad, c'est ça comme je le disais, ils sont de Toronto. On retourne maintenant en français avec un gars de Chicoutimi Nord, c'est Franck et le Cosmos. Il vient de sortir son album Pop Machine. Non, l'album s'appelle La Machine à Pop. Et on va entendre, nous, Pop Machine sur les ondes de CISM. J'espère que c'est clair. Je ne réponds plus, tu t'attardes aux détails. Il n'y a rien qui vaille que je peux faire de plus. Je t'ai reconnu à travers. Je ne y avait de la guitare là-dedans. C'était Sleeping Bag et Coco, une chanson tirée de l'album Woman of Your Life qui est sorti l'année dernière. Et bon, en fait, je pense que c'était un EP, c'est pas un album complet. Et juste avant, un excellent album, en tout cas, celui de Technicolor Theat, leur album Teenage Pagans qui est sorti l'année dernière et qui, duquel on a entendu la chanson Station Wagon. Et c'est un groupe, ça, du Wisconsin. Et ouais, c'est ça, Station Wagon, le nom de la chanson que vous avez entendue. Maintenant, on va continuer avec les Français de Piano Chat et leur chanson « Nous y perdrons un peu » à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Thank you.

affamés de musique, d'art et assoiffés de culture, CISM présente la 4e édition du Salon du disque et des arts underground de Montréal, le 9 et 10 mars à l'église Saint-Denis. Plus d'une centaine d'exposants, dont des compagnies de disques, des groupes, des designers de vêtements et de bijoux, des éditeurs de livres et de fanzines, des revendeurs de vinyles, des organismes culturels et beaucoup plus. Viens faire ton tour le 9 et 10 mars à l'église Saint-Denis en face du métro Laurier. C'est gratuit. Rejoins-nous sur Facebook pour plus d'infos ou visite le underthesnow.ca. Le Salon du disque et des arts underground de Montréal en collaboration avec les restaurants Dagwoods. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live en direct des studios de CISM. Chaque semaine, un artiste invité prend possession de nos ondes pour une heure de prestations, d'entrevues et de découvertes musicales. Le jeudi 14 mars, la session live reçoit Ariane Zita. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89,3 FM, la marge. La session live.